Serena par Henri de Lacretel. Chapitre 1er. Il y avait un Anglais dans l'auberge del Lettré Donzelle à Capoue. Lorsqu'il descendit de sa chaise, les rayons de la lanterne que portait l'hôtelier étaient tombés sur un beau jeune homme de 28 ans. Il était blond, digne, souriant pour se dispenser de parler, ainsi qu'il convient à un gentleman en voyage. Quand il sauta sur la dalle de la voûte, la poussière de son manteau, s'éclairant à la flamme, l'entoura comme un nuage d'or. Il demanda, en italien, une chambre et un souper. Il mangea peu, et bientôt il tira un album de son nécessaire, plaça une bougie sur une table appuyée contre une porte condamnée, et se mit à écrire. Il n'avait pas tracé une ligne, que la bougie s'éteignit d'elle-même. Il leva la tête, remarqua avec une certaine surprise qu'aucun courant d'air ne passait par la chambre, et sans se rendre compte de l'accident, ralluma sa bougie et reprit sa page. Mais il n'avait pas eu le temps de remuer 10 fois sur sa plume ses doigts allongés que la même circonstance se représenta. Il lui sembla avoir senti un souffle tiède passer sur son front courbé sur l'album. Il se leva alors un peu par fureur, un peu par crainte, et s'écria tout haut « Le diable est dans cette maison !» De l'autre côté de la porte, un de ces éclats de rire cristallins, qui ne peuvent sortir que d'une jeune poitrine et d'une bouche fraîche, lui répondit aussitôt. Il s'arrêta dans la promenade violente qu'il faisait à travers la chambre et répondit à cet éclat de rire « Je n'aime pas les mystifications. Je suis chez moi. Pourquoi avez-vous éteint ma lumière par la serrure ?»« Parce que votre lumière m'empêche de dormir. » C'était la voix d'une femme. « Pardon, madame, mais il m'est difficile d'ôter cette fable, qui est très lourde. » « Eh bien, il m'est plus impossible à moi d'enlever ce canapé sur lequel je veux dormir. » Le jeune Anglais rougit. Une femme, belle peut-être, et originale à coup sûr, reposait auprès de lui. Il ne fut pas maître d'un mouvement de curiosité et regarda par le trou de la serrure qui avait donné passage au souffle dont il se rappelait alors la douceur. L'obscurité était complète chez sa voisine. « Madame, reprit-il, si notre conversation était entendue, elle pourrait sembler passablement étrange. Ne craignez rien, l'auberge est déserte, et il n'y a à Capoue que les ombres des anciens Carthaginois pour nous entendre. » Il comprit qu'il avait affaire à une femme d'une certaine éducation et répondit avec plus d'empressement « On ne nous entend pas, tant mieux. Faisons une concession chacun. Je ne rallumerai point mon flambeau, mais vous me permettrez de continuer à vous parler. Je veux bien, je n'ai plus sommeil. Savez-vous, madame, que je vais passer une nuit beaucoup plus poétique que je ne l'espérais ?»« Oh, une vraie nuit de bal masqué, » reprit-elle. « Bien meilleure, madame, car nous sommes seuls, et il n'y a entre nous qu'une porte. « Monsieur, » répondit-elle, cherchant à donner plus d'assurance à son accent, « il y a entre nous quelque chose que vous respecterez davantage que cette porte. Il y a ma volonté et la confiance qui m'a fait vous parler. » « Je suis très honoré de cette confiance, mais je ne sais qui a pu me la mériter. Je vous connais, monsieur. Vous me connaissez. À vos armes. Je les ai vues à la portière de votre voiture tandis qu'André vous éclairait. Et je me nomme « Lord James Sullivan. » James fit un geste de profonde surprise. « Vous n'êtes pas anglaise pourtant, madame. Dieu m'en garde. » « Et pourquoi ce dédain ? » reprit-il un peu blessé dans sa nationalité. « Parce qu'étant né dans un paradis, je ne puis pas regretter de n'être point né dans un demi-purgatoire. » « Et cela veut dire ?»« Qu'on est incomplet lorsqu'on n'a pas bu dès le premier jour du soleil en même temps que du lait. » « Patriotisme adorable. » répondit James en souriant. « Mais qui vous a rendu si forte sur le blason anglais ?»« L'habitude de voir défiler sur nos routes toutes les voitures de la pairie. Car, hélas, l'Italie n'est plus que l'hôtellerie des nations. De la nation britannique, surtout. Triste échange. Nous leur prêtons notre ciel et ils nous rendent leur population. Vous en voulez donc bien à mes compatriotes, si je leur en veux ?» répondit-elle en s'animant. « Je leur en veux pour leur curiosité qui ne devient jamais de l'admiration. » Je leur en veux parce qu'en traversant nos mers, nos villes et nos musées, il ne s'échappe jamais un cri de reconnaissance de leur froide poitrine. Je suis la voix indignée de nos statues, de nos tableaux, de nos palais, de nos ruines et de nos paysages. Toutes ces saintes choses dont leur regard vient voler la beauté et dans lesquelles ils passent depuis des siècles, plus glacés que le marbre de Carrare et que la bise de l'Apennin. Ils nous jettent leur guinée, mais ils ne nous donnent pas une palpitation de leur âme. Vraiment, il en est parmi eux qui poussent l'insulte jusqu'à ce point qu'après avoir promené leur spleen au milieu de nos chefs-d'œuvre, ils se tuent comme des insensés qui ne savent pas comprendre combien Dieu est grand, puisque son génie se traduit par de tels artistes. Et qui sait, peut-être êtes-vous un de ceux-là, Milord ? James pâlit, de même que si on eût soulevé un voile qu'il aurait mis sur sa pensée. Il répondit sur le ton de la plaisanterie. « Ce suicide est un hommage, au contraire. Vous connaissez le proverbe « Veder Napoli et poi ».« Et poi amare et ringraziar idio ». Cependant, James commençait à trouver de l'attrait à cette conversation imprévue et si singulièrement entreprise. La voix de la jeune Italienne était une musique qui aurait suffi à lui enchanter les heures. Son esprit, où étincelait parfois une flamme d'enthousiasme, lui semblait un des plus entraînants qu'il eût rencontré. Il aurait parié qu'elle était belle. Il n'aurait pas répondu avec autant d'assurance que ce n'était pas une aventurière, conduisant ceux dont elle prenait la main à un péril inconnu, n'importe. Il en était arrivé, on verra pourquoi plus tard, à accepter toutes les distractions qui s'offraient, et il s'inquiétait déjà de la pensée de quitter le lendemain cette compagne étrange. « Remerciez Dieu, répondit-il, c'est déjà fait. Il embellit par vous cette nuit que je destinais à écrire tristement. Il remplit d'un des plus doux échos de ma vie les murs désolés de cette auberge. Mais demain, quand vous aurez fui, quand je tendrai en vain les bras vers une image que je n'aurais pas même entrevue, soyez sûr que je l'accuserai, madame, et vous me ferez commettre une impiété. Milord, répondit-elle, avec un accent qui indiquait que sa parole passait à travers des lèvres entrouvertes par un sourire, ne jouez pas ce jeu d'une passion subite. J'y aurai trop d'avantages sur vous. Je vous ai vu, je vous connais, et vous m'ignorez aussi profondément que le pêcheur ignore la proie qu'il va prendre dans son filet. D'ailleurs, c'est perfide quand c'est un jeu, et c'est cruel quand c'est une vérité. Je vous jure, je n'ai pensé à rien de pareil lorsque j'ai commis mon innocente plaisanterie de tout à l'heure. Votre bougie me gênait, je l'ai éteinte, voilà tout. Maintenant le sommeil m'arrive. Les lampes de nuit sont éteintes autour de toutes les madones. Bonne nuit, Milord. Vous ne parlez pas sérieusement, madame. Vous avez chassé le sommeil de mes yeux de même que le vent chasse un nuage, et vous êtes certaine que je ne parviendrai pas à m'endormir. Quant à vous, et je le dis sans fatuité, j'ai la conviction que vous ne pourrez pas non plus fermer les paupières. Vous avez commencé à m'être délicieusement importune. Je continuerai à vous poursuivre de mes questions odieuses. Tant pis pour vous, qui m'avez attaqué. Et d'abord, où allez-vous? Je ne vais nulle part. Vous me condamnez donc pour l'éternité à l'auberge delle Tre Donzelle? Et comment vous appelez-vous? La question est un peu vive. Oh, répondez-y, madame. Ce n'est pas la dernière que je vous ferai. J'ai un projet. Je me nomme Serena. Nom charmant. Nom qui va au ciel, aux étoiles et à la lune. Et à présent que vous ajoutez à toutes les séductions celle d'un nom pareil, vous croyez que je ne vais pas vous adorer, madame? Allons, reprit-elle. Je vois bien que vous me questionnez systématiquement pour me lasser. J'aime mieux savoir tout de suite votre projet. Si vous alliez ne pas me le pardonner, dites-le toujours, on verra. Eh bien, mon projet est de me rapprocher un peu plus près de vous à l'instant même. Lord Sullivan, répondit-elle avec émotion, si je ne suis pas patricienne par ma naissance, vous devez voir que j'en ai à un certain degré le langage et les instincts. Je ne supposais pas, lorsque je me reprochais déjà une indiscrétion très bizarre, qu'un gentilhomme comme vous me la ferait payer par une injure. Ne vous méprenez point mes intentions, madame. Je n'avais qu'un espoir aussi modeste qu'il me convient. Et lequel? Reprit-elle fièrement. Celui de vous convaincre que le jour va se lever dans une heure, que nous causerions mieux dans ma chaise, et que je bornerai toute mon ambition à faire entrer par mes yeux ce qui m'est déjà venu par les oreilles. Remarquez que vous m'avez dit « n'allez nulle part », et que s'il n'y a pas de plus beau pays pour voyager que le royaume de Naples, il n'y a pas de plus charmant voyage que celui où on le regarde plus souvent dans l'intérieur de la voiture que par la portière. Je vous dis cela, madame, pour vous faire excuser ce qui vous a paru si téméraire dans mon espérance. À présent, si je sens bien que je vais vous aimer, je sens bien aussi que vous êtes assez noble et assez digne pour que je vous respecte autant que vous m'y condamnerez. Et vous m'y condamnerez immensément, je le devine d'avance. Ce qui a commencé par une légèreté peut bien finir par une extravagance. J'accepte, mais à deux conditions, répondit-elle après un silence. Ces conditions, ne me les dites pas, je signe en blanc. Je veux que vous les sachiez, Milord. Je n'écoute pas, et je sonne pour demander les chevaux. La première de mes conditions, c'est que nous voyagerons par la voiture populaire du pays, le Coricolo. Le Coricolo ? Reprit-il, un peu épouvanté. Mais je n'y serai pas seul avec vous, précisément. La seconde, c'est que nous allons au Vésuve. James ne répondit rien d'abord, lorsque Serena désigna ce but au voyage. Il lui semblait qu'une destinée, qu'il voulait fuir depuis quelques instants, s'emparait de lui malgré tout. Il pâlit et trembla. Mais comme il avait promis de ne point reculer, il essaya de raffermir sa voix et répondit en faisant bonne contenance devant la porte derrière laquelle il soupçonnait deux grands yeux. « Au Vésuve, soit. Et quand ? Ce matin même, il est temps de partir, je vous attends. » James laissa son bagage dans sa chambre et n'emporta que son album et son manteau. Il s'assura qu'un bruit de guinée sonnait dans sa poche et sortit. Le corridor était profondément obscur. James y fit quelques pas à tâtons, et sa main, en glissant le long de la muraille, rencontra une autre main douce et une robe de soie. C'était Serena. Il n'osait pas faire autre chose qu'effleurer cette robe et cette main, mais il était sûr que la main était blanche et que la robe dessinait une taille élégante. Serena prit avec confiance le bras de James et le guida dans les ténèbres de l'escalier. Tout dormait dans l'auberge. Ils ouvrirent silencieusement la porte de la voûte et entrèrent dans la rue large, la seule à peu près de cette ville qui cache sous tant de bruit, sous tant de poussière, sous tant d'ennui et sous tant d'uniformité le nom de Capoue, sonnant si amoureusement dans l'histoire de Tite-Live. Rien ne bougeait à cette heure. Les chats seulement couraient sur les dalles et léchaient en passant les boutiques fermées des marchands de macaronis et de fritures, sur les auvents desquels la poêle avait laissé une épaisse couche de parfum. Serena s'arrêta devant une écurie ouverte et éclairée au fond par une lampe. Elle réveilla en quelques mots un jeune garçon qui dormait tout habillé sur la paille. Au bout de 5 minutes, le cheval, empanaché et couvert de grelots, fut attelé au brancard d'une forme traditionnelle. Il n'y avait point d'autres voyageurs. James et Serena s'assirent en plein air sur le siège du milieu. James était très déconcerté, parce qu'à l'allure du falot de l'écurie, il avait vu que la jeune fille portait le costume des femmes du peuple de Naples. Chapitre 2e. De Capoue à Naples, la route est plate et ennuyeuse. Mais il n'y a pas un coin de la terre qui ne resplendisse et qui ne tressaille sous les premières teintes de l'aurore. Partout où il se lève, le rideau de la nuit laisse voir un horizon magique. Les vignes enlacées aux arbres, les troupeaux se redressant tête par tête sur l'herbe sèche où ils avaient dormi, les diligences avec leur attelage de 40 pieds de long, les terrasses de quelques villas sur lesquelles de matinales jeunes filles peignaient leurs cheveux d'or ou d'ébène, tout se profilait harmonieusement dans la perspective sous les nappes de rayons que le soleil obliquait de l'Orient. La lumière est surtout la beauté. Ce n'était point d'ailleurs ce paysage connu de ses yeux que James regardait, il regardait Serena. Ce fut d'abord une forme indécise. Il devina son charme au parfum qui émanait de ses vêtements et au frisson qui lui traversait le cœur chaque fois qu'un des chaos de la route le jetait sur elle. Bientôt, comme à la lueur d'une lampe lointaine, il entrevit un front pâle et blanc, encadré sous de touffes épaisses et mates de cheveux noirs, des yeux qui répandaient eux-mêmes une clarté orientale, des joues fraîches comme les nuées de l'aurore, et un cou, des bras et une taille qui égalaient, dans leur moindre mouvement, la souplesse et la grâce des roseaux caressés par la brise. James eut comme un éblouissement de cette perfection imprévue. Il crut un instant que c'était une créature éphémère et rêvée de son imagination excitée par l'aventure. Il ferma sa paupière pour la retrouver. Quand il la rouvrit, le soleil courait sur Serena, de même que sur une fille aimée et privilégiée. Il l'inondait de splendeur. Il détachait en un relief vigoureux et doux les traits exquis de la belle enfant de Parthénope. Lui envoyait-il plus de rayons qu'à une autre, ou était-ce elle qui les doublait en les reflétant, de même que le diamant double toute lueur? Il était aussi impossible de ne pas apercevoir Serena la première et presque la seule au milieu d'un groupe que de l'oublier quand on l'avait vue. Elle comprit que la surprise de James était de l'extase. Mais elle n'était point vaine de sa beauté, et elle voulait plaire par autre chose. Quand il l'eut contemplée assez longtemps pour qu'elle commençât à en être embarrassée, elle reprit ainsi la conversation en anglais. « Parlons votre langue. Il est inutile que ce garçon nous entende, quoique nous n'ayons point de grandes confidences à nous faire, je présume. »« Madame, » répondit James, « je m'attendais à être charmé, mais non à être émerveillé. Il m'est impossible de ne pas vous le dire. Je n'ai rien vu avant vous. » « Point de madrigal, my lord. La journée sera bien monotone et bien longue, si vous préludez ainsi dès l'aurore. »« Eh bien, madame, » reprit-il vivement, « soyez franche comme vous êtes belle. Tout ce qui arrive depuis 2 heures n'est point naturel. D'abord, cette manière de lire mon nom sur ma voiture. Vous ne voulez point que les armes des Sullivan soient connues ailleurs que dans Regent Street ?»« La pureté de votre prononciation anglaise. » « Le mérite de la perruche qui répète le son qu'elle a entendu. »« La distinction achevée de vos manières et une élégance native dont vous ne pouvez vous défendre. »« Tout cela est incompatible avec le costume que vous portez. »« Trouvez-vous qu'il me va mal, milord ? » ?»« Je trouve que rien n'est plus charmant. »« Mais je jurerai que ce n'est point votre vêtement de tous les jours. » »« N'allez pas au-delà des apparences, milord. » »« Les apparences sont les frontières intérieures de la vérité. » « Mais quelle est votre conclusion après tant de conjectures ?»« Que je suis le plus heureux de tous les voyageurs, mais que notre rencontre était combinée par vous. »« Je joue là-dedans un rôle, ravissant jusqu'à 7 heures, bien dur, peut-être, dans quelques jours. »« Milord, » dit sérieusement la jeune Italienne, « je vous jure que je suis entré sans préméditation dans l'auberge d'Andrea hier au soir. »« Maintenant, je ne nie point que vous ne me rendiez involontairement service. » Si ce service ne me tue que lorsque vous m'aurez quitté, je me bénis de vous le rendre. Point de si, milord, car moi aussi, à cet instant même, je vous suis utile. En sorte que vous daignez me rendre ce que je reçois de vous. Ils arrivèrent en une demi-heure à Resina. L'auberge où se louaient des chevaux pour l'ermitage était encombrée de voitures dételées. Une très nombreuse société était déjà partie pour la montagne. « C'est la famille Cerbelli ? » demanda Serena à un palefrenier. « Oui, Excellence, » lui répondit-il, après l'avoir regardé attentivement pendant 1 minute. « Combien sont-ils ? » ?»« Il y a aussi les Ottavia et le duc de Norro. Ils sont montés plus de 20. »« Et ils déjeunent à l'ermitage ?»« Oui, ma... » Serena l'interrompit, prévoyant qu'il allait en dire trop long. James lui choisit un cheval rouan, assez présentable. Il entra un instant dans l'auberge et en sortit avec un guide qui devait les rejoindre, portant un immense panier de provisions. « C'est vous qui avez été prendre cela, James ?» lui dit-elle. « Mais j'ai pensé, vraiment, c'est vous ?» Il partit d'un franc éclat de rire qui étonna James. Mais comme il n'y avait dans ce rire que de la joie sans ironie, il ne songea pas à s'en inquiéter. Ils s'engagèrent dans le chemin de lave qui longe les dernières vignes cultivées. À 500 environ, on voyait une longue cavalcade, sur laquelle couraient au gré du vent les écharpes trastévérines flottant autour de la taille des femmes. Ils marchaient tous deux au pas de leurs chevaux. Les conversations suivaient une pente bien plus escarpée que celle de la rude montagne, la pente de l'amour. Serena, par expérience peut-être, n'y trébucha point, mais James y tomba tout entier. L'Italienne, avec sa beauté, avec la douce familiarité mêlée de réserve, de ses manières câlines, l'avait fait entrer tout d'un coup dans un monde inconnu d'impressions et de délices. Comme elle conservait tout son sang-froid, elle entraînait encore plus facilement James. Quelquefois, au moment où elle avait répondu par un mot qui entr'ouvrait tout un horizon à l'espérance, elle faisait bondir le pauvre cheval de Resina, le lançait au bord du ravin, et quand le danger épouvantait le jeune homme jusqu'à la folie, elle ramenait habilement sa monture et semblait s'applaudir d'être entrée encore plus avant dans ce cœur envahi. Ce n'était cependant pas l'instinct d'une vaine coquetterie qui la guidait. On pouvait voir à sa physionomie qu'elle obéissait à un bon sentiment. En 2 heures, ils furent à l'ermitage. C'est une sorte de mince pavillon, entouré de quelques bâtiments servant d'écurie pour les chevaux et de corps de garde pour les gardiens de la montagne. Il est bâti sur une des dernières rampes de la cendre refroidie en face du volcan. L'ermite, traditionnellement apocryphe, montre avec orgueil un album où les voyageurs lui adressent, en anglais et en français, qu'il ne comprend pas, des injures qu'il ne mérite que trop. La journée d'octobre était pure et douce. Capris à gauche élançait la silhouette abrupte de ces deux monts qui semblent échapper des mains des cyclopes. Et Ischia et Procida se fondaient dans le bleu de la mer comme deux nids charmants de filles grecques. La cavalcade qui précédait James et Serena avait envahi l'ermitage, qu'elle remplissait de bruit, de chansons et de mouvements. Serena proposa de ne pas se mêler à cette foule. Ils s'assirent sur des blocs de lave à l'écart, firent signe à leur guide, et ne mangèrent que du bout des lèvres. De temps en temps, quelques convives apparaissaient à la fenêtre de l'ermitage et se montraient les deux voyageurs avec des gestes de surprise et presque de consternation. Serena précipita encore la fin du déjeuner et expliqua à James que pour surprendre le Vésuve dans sa majesté et dans sa solitude, il devait se hâter de précéder l'invasion dont il était menacé. Elle fut héroïque pendant l'ascension. Elle ne voulut point de portantine et remplit elle-même le rôle de guide. Elle précédait toujours James de quelques pas. Elle portait un de ces longs bâtons ferrés dont on se munit à Résina. Il n'y avait rien de plus charmant à voir que cette jeune femme, s'élançant sur ce frêle appui que ne faisait pas incliner son poids léger, découpant sa blancheur sur le fond bruni de la lave et traînant après elle le voile flottant de ses cheveux noirs. James était bien plus épuisé d'admiration que de fatigue lorsqu'ils parvinrent au bord du cratère. Ils s'abritèrent du vent qui souffle éternellement sur sa hauteur. Ils se replièrent dans l'intérieur de l'immense entonnoir. Le Vésuve avait toujours son même aspect. Gigantesque corps de plomb refroidi et noirci. Au milieu, un cône pyramidal. De minute en minute, un bruit qui paraît d'abord à un gémissement intérieur, puis une détonation profonde, et qui arrive des dernières couches de la terre, puis un jet de fumée arrangé par la flamme, puis des pierres qui retombent, puis le même spectacle éternellement nouveau et sublime qui recommence sans fin. Quoique familiarisé par un long séjour avec cet aspect, les yeux de James le fixèrent un instant, mais ils se reportèrent bien vite sur une autre flamme plus vivante et plus immortelle, sur Serena. « Milord, lui dit-elle alors, en donnant une expression sérieuse à sa physionomie, voici l'heure et le lieu. Je vous ai amené où vous vouliez, remerciez-moi. » Il la regarda, et comme il n'avait plus qu'elle dans la pensée, il ne comprit pas. « Est-ce que je me serais trompé ? » continua-t-elle. « Est-ce que ce n'est pas ici et aujourd'hui que vous avez résolu de mourir ?» Il trembla, et rougit, et pâlit de honte. Puis il se mit à genoux devant Serena, et lui baisa la main sans rien répondre. Elle reprit encore, et avec un sourire un peu moqueur, « C'est bien cela. On est jeune, on peut être utile à ses frères, on peut trouver ailleurs un cœur qui vous reçoive. On a effleuré tout sans creuser rien. On croit à une douleur mortelle qui se dissipera au premier sourire d'une étrangère. Et on veut se tuer. Tuez-vous donc, Milord. L'endroit est propice. Vous n'avez que deux pas à faire par ce cône et le volcan vous vomira comme cette pierre et il ne restera plus de vous que de la cendre et une âme que Dieu devra punir. En vérité, Milord James, c'est merveilleux d'invention et de courage. » « Je ne vous connaissais pas, Serena, » balbutia James. « Maintenant, d'où savez-vous ? » Elle l'interrompit. « Vous voulez donc que je meure d'orgueil ? Voici un homme sérieux. Il va accomplir aujourd'hui un acte médité depuis longtemps, et parce que j'ai passé sous le même toit que lui. Parce qu'il me connaît moins qu'il n'a connu toutes les femmes dont il a été amoureux jusqu'ici, parce qu'il s'était pris bellement d'une étrangère, qui peut être la plus misérable de toutes les créatures. » Il va manquer outrageusement à la parole qu'il s'est donnée. Tuez-vous, Milord. Ne me raillez pas. Ne savez-vous pas que ma vie n'est plus à moi? Me jurez-vous sur l'honneur que vous renoncez à cette pitoyable originalité? Je vivrai, Serena, ne fût-ce que pour me souvenir, comme vous le disiez ce matin. Eh bien, je ne parlerai de cela à personne, je vous le jure. Vous êtes très connu à Naples, où moi-même je vous ai vu souvent. Mais ce secret n'était qu'à moi. Et au papier sur lequel vous aviez écrit hier au soir cette ligne que j'ai eu l'heureuse indiscrétion de lire par le trou de la porte, beaucoup plus large que vous ne pensiez. Cette ligne qui m'a fait tout tenter au hasard et que voici telle qu'elle est sur votre album. Demain, j'irai me tuer au Vésuve. « Je ne puis, hélas, vous demander pardon pour le passé, » répondit James. « Mais quand vous devriez me réduire au plus misérable désespoir, en me quittant à présent, je n'oserai plus jamais encourir un pareil mépris de votre part. Je vous avais bien dit que je vous rendrais un service, Milord. Et vous avez daigné me promettre que moi-même... » En ce moment, le sommet du cratère fut envahi par les voyageurs, dont le bruit du volcan avait empêché d'entendre les pas. Un d'entre eux fit un geste de désespoir en apercevant Serena, et avant que James eût pu s'y opposer, il enleva la jeune femme en s'écriant « Par le pape !»« Je ne souffrirai pas que la princesse Calandrini, ma cousine, se déshonore plus longtemps en présence de tout Naples !» Et il l'entraîna sur la déclivité du Vésuve. James n'eut pas le temps de la rejoindre, mais il lui parut qu'elle lui envoyait un sourire heureux. Chapitre 3e. À 7 heures du soir, le même jour, James avait regagné la ville où il s'était renseigné sur la demeure de la princesse Calandrini. Son palais était situé dans une petite rue qui monte à droite de Chiaja. James s'y rendit, plus triste encore que courroucé de l'aventure du matin. Il lui fallait une dernière explication avec Serena. Au-delà de cette entrevue, il ne distinguait rien que le désespoir et la courageuse résignation qu'il avait imprudemment promise. Mais James allait à l'inconnu. Il ne savait pas quel était l'entourage de la princesse et s'il pourrait parvenir jusqu'à elle. Il avait entendu dire qu'elle était très riche et cette découverte faisait le fond de son malheur. Le palais Calandrini se dressait sévère et morne avec sa façade carrée. James ne comprenait pas que tant de grâce et de vivacité puissent habiter ce sépulcre muet. Les hautes murailles étaient plus noires que l'ombre qu'elle jetait dans la rue sous une lune voilée. Un vent d'ouest battait à tous les étages les jalousies vertes pliées sur les fenêtres. La livrée se promenait devant la lourde porte. James hésitait à entrer et ne voulait pas s'exposer à être envoyé par les laquais de celle avec qui il avait vécu quelques heures plus tôt dans une si chère intimité. 3 fenêtres du premier étaient éclairées. Un piano chantait sous des mains légères. James s'affligeait de ce que Serena pût se distraire si facilement d'une préoccupation qui devait être cruelle pour elle aussi, quand tout d'un coup, comme si malgré la musique, son oreille eût été tout entière au bruit que laissaient les pas sur les dalles, Serena parut au balcon, regarda un instant, fit un signe amical et ordonna à un valet de chambre d'introduire Lord Sullivan. Le salon était vaste et froid. L'ameublement faisait voir qu'il avait été préparé pour les générations qui avaient précédé et non pour la gracieuse femme qui en était héritière. Quelques amours fanées souriaient aux fresques, mais ils souriaient aux galanteries d'un autre siècle, aux monsignories et aux duchesses poudrées, et non aux inspirations plus vives et plus chastes de Serena. « Je vous attendais, » dit-elle. « Nous ne pouvons point rester sur le dénouement grotesque de notre course au Vésuve, mais je vous remercie, tout va bien. » « Madame la princesse, » répondit James, « ce qui vous arrive d'heureux est le meilleur adoucissement à ce qui m'arrive de cruel. J'accepte la douleur si je vous rends la joie. Ne me donnez plus mon titre, » reprit-elle. « Il me semble que je suis ma grand-mère quand on me parle ainsi. Appelez-moi Serena comme ce matin en Coricolo. Ce matin, mon beau rêve de la nuit continuait encore. Il s'est envolé maintenant, et je crois qu'il n'y a pas de bonté de votre part qui puisse me le redonner. » Je ne vous ai pas prié de monter ici pour que vous m'attristiez de la sorte, » reprit-elle en frappant d'impatience ses 2 belles mains l'une dans l'autre. « Quand je vous dis que tout va bien, croyez-moi. Voulez-vous entendre ce que j'ai à vous dire ? Au surplus, que vous le vouliez ou non, je m'expliquerai toujours, car je dois vous paraître la plus folle des jeunes têtes, et cependant, ma combinaison a réussi en tout point. Je n'ai besoin d'aucune explication. Je crois que vous avez été sage et prudente, et que vous avez eu raison de me fouler aux pieds, si je vous ai servi à traverser un obstacle. Vous êtes odieux dans vos interprétations. Probablement ce que j'ai à vous dire atténuera ce que vous craignez. Écoutez-moi donc, puisque vous le voulez. C'est pour ma défense personnelle. D'abord, quoique vous ayez beaucoup voyagé, vous n'avez peut-être pas pénétré dans le fond de l'aristocratie napolitaine. Voici la vie d'une princesse quelconque, du jour où elle a fait un mariage de convenance, c'est-à-dire échanger son titre contre un autre. Passer 30 ans dans un palais aussi gai que le mien, afficher la dévotion pour plaire au roi et l'avarice pour plaire à l'époux, être insolemment riche au milieu d'une population de 300 000 mendiants, qu'on est obligé de laisser s'abrutir pour qu'il ne vous égorge pas, avoir une loge à San Carlo et un Sigisbée qui vous adore pendant tant de saisons qu'il devient aussi ennuyeux que le mari, ne jamais sortir de Naples et ne point dépasser Caserte lorsque la cour y demeure, fermer son âme à toutes les jeunes idées, continuer à pratiquer le despotisme et l'imbécilité, et étouffer les révoltes de sa raison, si par hasard un souffle du siècle est entré dans notre demeure emmurée, mettre exactement ses pas dans les pas des générations qui dorment dans les cimetières depuis tant d'années, et ne laisser de soi d'autre souvenir qu'un portrait qui sera ridicule un jour et semblable à ce que je pourrais vous montrer dans ma galerie. Voilà ce qui m'attendait infailliblement si j'avais épousé le marquis de Santa Lucia, celui qui m'a si prestement enlevé ce matin devant vous. Le marquis de Santa Lucia ? Eh bien, cela m'épouvantait. Je sens mon cœur, je ne veux pas me tromper. Je veux aimer loyalement, et je n'aime pas le marquis. Je suis une Calandrini, comme vous savez, c'est-à-dire que je suis riche et que j'ai hérité d'un procès qui se poursuit nécessairement entre les Calandrini et les Santa Lucia, ruinant tantôt les uns, tantôt les autres. C'est au tour des Santa Lucia à être un peu ruinés. Se marier avec une Calandrini terminerait tout. Je suis orpheline. Mon tuteur se trouvait un homme d'esprit qui m'a fait voyager et vivre. Aussi j'ai des idées qui ne passent pas souvent par la rue de Tolède ou par Chioggia. Ce mariage me désolait, mais je n'avais rien à dire. Si j'avais dit le quart de ce que j'ai prononcé devant vous, on m'aurait cru sérieusement folle. Il fallait me résigner, ce que j'ignorassais, ou faire du scandale, ce qui n'est pas facile. Enfin, hier, en désespoir de cause, je m'étais enfui sous un déguisement, ne sachant pas trop où j'allais ni ce qui m'arriverait, quand je vous ai rencontré. J'avais été informé de la partie projetée au Vésuve. Votre idée de suicide me convenait. Je l'empêchais, et en me montrant publiquement avec vous, je défaisais aussi mon mariage. J'avais entendu parler de vous à Londres, et je vous avais vu à Naples. J'avais deviné que vous ne me compromettriez que jusqu'au point nécessaire. À présent, vous passez pour mon amant, mais cela m'est égal. Vous savez ce qui en est, et mon honneur aussi. Santa Lucia a deux passions, l'avarice et l'honneur. En m'enlevant à ses sottements sous prétexte qu'étant de ma famille, il devait m'empêcher de me perdre entièrement, il m'a déclaré que tout était rompu entre nous. Je suis donc libre, vous aussi, Milord. Nous nous sommes rendus le même service et nous pouvons dire que nous avons à peu près empêché mutuellement notre suicide. Oui, vous avez un cœur, Serena, comme vous disiez, répondit James en se rapprochant d'elle. Et vous allez me comprendre et me plaindre, j'en suis sûr. Je n'ai pas à vous expliquer que je vous aime. Séduction de la beauté, de l'imprévu, de la main tendue à un désespéré, vous avez tout réuni pour me faire d'une entrevue fugitive un horizon après lequel rien ne serait plus paisible pour moi. Je suis noble et pardonnez-moi de vous le dire, car vous êtes au-dessus des préjugés, je sens que j'ai une passion assez sérieuse pour oser répondre de votre bonheur et que je ne ferai rien d'extravagant à vos yeux en vous demandant la permission de vous consacrer ma vie. « James, interrompit-elle en souriant, nous avons tenté tous deux une folie. Laissons-nous le temps de nous guérir avant de réfléchir à une détermination pareille. Rassurez-vous, hélas, elle est impossible. Ah, vous croyez ? Répondit Serena, dont la figure se contracta légèrement. « Et impossible, de quel côté ? Des deux côtés. Expliquez-vous, Milord. » En supposant qu'elle me rendît un jour un peu de sympathie pour tant d'adoration, il serait indigne de la princesse Calandrini d'accepter l'amour d'un homme qui ne pourrait point l'avouer publiquement. Celui qu'elle élèvera à elle doit lui donner son nom. Et qui empêcherait qu'il le lui donnât, si elle y consentait? C'est ici que l'obstacle viendrait, de mon malheur même. Est-ce qu'en faisant un peu de scandale à mon profit, c'est vous que j'aurais involontairement compromis? Reprit Serena en souriant. Est-ce que par hasard vous seriez mariée, Milord? Madame, répondit James simplement et tristement. « Vous êtes riche, et je suis pauvre. Mais ce serait un motif de plus. Toutes les délicatesses sont en vous, et je n'ai pas à vous expliquer pourquoi, bien que je doive mourir de la douleur de vous perdre. Cette différence de fortune est une difficulté insurmontable. Voyons, puisque nous raisonnons dans l'hypothèse de cette union, êtes-vous bien ruiné? Souvent vos ruines, à vous, seraient des richesses pour nous, pauvres Italiens. Si ruiné que c'était là, une des lâches raisons qui me poussait à me tuer. James, reprit Serena, qui se sentait touché par cette franchise et par cette honorabilité, et qui plaidait le faux pour qu'il lui répétât encore le vrai qui la charmait. C'est donc pour avoir le droit de ne plus m'aimer un jour que vous ne voulez pas être attaché à moi par ce misérable lien d'argent ?»« Vous savez le contraire, » répondit-il, « mais vous comprendrez combien mes principes là-dessus sont arrêtés, puisque je leur sacrifie jusqu'à l'extase du bonheur. » Vous serez donc inébranlable? Dites que j'aurai du courage contre mon cœur. Comment aurais-je fait, cependant? Si je vous avais aimé, moi aussi. Je ne puis pas me ruiner en un mois pour être digne de vous. Mais Serena était émue. Elle croyait à l'amour de ce jeune homme, qui lui prouvait si loyalement que c'était elle, en dehors de sa fortune et de son rang, elle seule, qui l'adorait. Bientôt, elle sembla avoir trouvé une résolution et sonna. Combien de fois le marquis Santa Lucia est-il venu pour essayer de forcer ma porte ce soir ? Demanda-t-elle au laquais qui entra. 3 fois, princesse. Et y a-t-il longtemps ? Il est encore sur l'escalier. Rappelez-le, et dites-lui que je l'attends. Le valet sortit. Ne vous alarmez pas. Il ne vient pas pour réclamer ma main. Il arrive comme membre de ma famille pour m'accabler d'injures à votre sujet. Mais le temps presse, dit-elle en se rapprochant de James. Vous me jurez donc que vous êtes certain de m'aimer, chère Serena. Dites-moi alors par quelles paroles on peut vous persuader. La manière excentrique dont j'ai fait connaissance avec vous n'a point laissé une fâcheuse impression dans votre esprit, ou cette impression ne durera pas. Pas plus que la neige ne tient sur l'eau. Mais pourquoi donner des espérances à une impossibilité? Pourquoi? Reprit-elle. Parce que je crois avoir trouvé le nœud de la question. Pourquoi? Parce que je suis l'inspiration de mon cœur. Pourquoi? Parce que vous m'avez convaincu, James, et qu'à mon tour, je vous donne ma vie. » Il allait se précipiter sur ses mains. Avant que ses lèvres les eussent effleurées, elle lui fit signe de se lever en lui montrant le marquis. « Ne me démentez pas, » dit-elle tout bas à James. Santa Lucia était un homme de 40 ans, gros et lourd. Il salua très bas la princesse, puis, regardant fièrement James, « Ma cousine me permettra de me féliciter de vous rencontrer ici, monsieur, » dit-il. « J'ai vainement couru tous les hôtels. Vous ne logez nulle part. »« Et moi, monsieur le marquis, je me proposais aussi d'avoir avec vous une entrevue qui aura lieu demain. »« Un instant, monsieur, » interrompit Serena. « J'estime que ne vous devant rien, ni l'un ni l'autre, vous n'avez aucun compte à régler ensemble. »« Mon cousin, » reprit-elle, « de quel droit avez-vous trouvé mauvais que Lord James Sullivan m'accompagna au Vésuve ?»« Mais ma position auprès de vous était assez connue. » Pour être de notoriété publique à Londres, croyez-vous? D'ailleurs, cette position n'existe plus, n'est-ce pas? Incontestablement, ma cousine. Et vous, Milord, dit-elle en se tournant vers James. Comment avez-vous trouvé mauvais que, me rencontrant là-haut, mon cousin m'ait reconduite chez moi? Mais, madame, reprit James, un peu interdit, vous n'auriez pu trouver ce droit de parenté exorbitant que si vous aviez été mon amant. Et sur l'honneur, étiez-vous, madame? Ou mon mari? Chère Serena. Mais vous ne l'étiez pas encore, et vous ne le serez que dans 8 jours. Marquis, dit-elle en se retournant vers Santa Lucia, je vous présente votre futur cousin, Lord James Sullivan. Vous voyez, messieurs, que tout débat est terminé entre vous. Mais il me reste encore une grosse affaire entre le marquis et moi. Voici comment j'en comprends l'issue. Ce procès a duré 150 ans et a usé 10 générations de procureurs. Donnez-moi une plume. Il écrivit en lisant tout haut ce qui suit. « Je sous-signe princesse Serena Calandrini, déclare renoncer à tous mes droits à la succession de mon grand-oncle, le cardinal Ottavia. » James se précipita à ses genoux. « Merci, » s'écria-t-elle. « Mais il m'est impossible d'accepter. »« Est-ce que l'amour ne rend pas plus riche que l'or ?» lui répondit-elle tout bas. Puis elle ajouta à voix haute, « Cela suffit, je pense, mon cousin. » La surprise et l'avarice luttaient chez le marquis. Cependant, il crut devoir dire « Mais vous n'avez pas tout prévu, princesse, et au terme de votre renonciation, ce palais même ne serait plus à vous ? C'est bien ainsi que je l'entends, » répondit Serena en passant son bras sous celui de Lord Sullivan. « James, » continua-t-elle, « retournons à l'auberge des lettres et donzelles. » Ainsi s'achève Serena par Henri de Lacretelle.